Marcelin, quel water gaffe! Voilà sans doute l'un des plus beaux titres du Canard enchaîné. Et pour ceux d'entre vous qui ont oublié ou qui étaient trop jeunes, je rappelle que Raymond Marcelin était alors, en 1973, le ministre de l'Intérieur du président Pompidou, et que le jeu de mots du titreur du journal satirique paraissant le mercredi, selon la périphrase consacrée, faisait allusion au scandale du Watergate qui venait justement d'éclater aux États-Unis en cette même année 73. Car il y avait des ressemblances notables. Outre-Atlantique, il s'agissait d'espionnage politique. En France, c'était la pose de matériel d'écoute téléphonique dans un journal qui avait la réputation de ne pas être tendre avec le pouvoir en place. Et c'est parce que nous avons parlé récemment avec M. X de cette affaire du Watergate qui a coûté son mandat de président à Richard Nixon que j'ai demandé à mon interlocuteur s'il avait des lumières sur notre Watergaffe à la française. Mais disons-le tout de suite, en ces temps où l'anti-américanisme progresse, si aux États-Unis cette tentative d'espionnage politique s'est terminée par la démission du président, en France, il ne s'est rien passé du tout. Et la justice s'est appliquée docilement à enterrer l'affaire. Alors, quels sont les dessous de cette histoire rocambolesque dans laquelle ont été impliqués des policiers de la DST, notre service de contre-espionnage? C'est la question que j'ai posé cette semaine à M. X. À la DST, on a aussi de l'humour. Savez-vous quel était le nom de code de cette opération visant à espionner le Canard enchaîné? Je ne me souviens plus du tout. Là. L'opération Palm. Amusant, non? Palm, oui, enfin, amusant si on veut. Hein. Bon. Mais puisqu'on en est aux mots, là, aux définitions, une question à propos de cette affaire là, des micros du Canard enchaîné, comme d'ailleurs dans le dossier Watergate dont on a parlé récemment. Hein. Donc, on a parlé de plombier. D'où ça vient, ça, plombier? Bon, les fonctionnaires chargés de poser des micros ou d'installer des dérivations sur les installations téléphoniques, ils se faisaient parfois passer pour des plombiers, de vrais plombiers. Ah oui, pour pénétrer plus facilement dans les immeubles, les appartements. Voilà, ouais, c'est ça, vous verrez que dans notre affaire, ils choisiront une autre couverture. Oui, mais n'allons pas trop vite, c'est ça. Si vous jouez mon rôle maintenant, soyons sérieux. Cette histoire commence de façon très curieuse. Un soir de décembre 1973, le dessinateur Escaro, qui est aussi l'un des administrateurs du Canard enchaîné, sort du cinéma. Sa voiture est garée rue Saint-Honoré, pas très loin de l'immeuble, où le journal va s'installer dans de nouveaux locaux. Ouais, c'est le temps où il va abandonner ses fameux bureaux de la rue des Saint-Pères, oui, hein, c'est ça. Oui. Donc machinalement, Escaro jette un œil sur cet immeuble où il va bientôt travailler. Et il remarque que de la lumière filtre à une fenêtre du troisième étage. La même où le Canard va emménager? Oui, c'est ça. Et le dessinateur trouve ça étrange. Qui peut bien se trouver à une heure aussi tardive dans ces locaux encore inoccupés? Des ouvriers? Bon, il sait que les travaux d'aménagement sont pratiquement terminés. Il décide donc de se rendre compte par lui-même. Mais avant d'entrer dans l'immeuble, il remarque la présence sur le trottoir de deux gardiens de la paix équipés de talkie-walkie. Ouais, des guetteurs, quoi. Bien sûr. Hein, mais Escaro n'a encore aucun soupçon. Et il monte jusqu'au troisième étage. Là, comme il n'a pas de clé, il frappe à la porte. Derrière, un type demande « Qu'est-ce que c'est ?» Et le dessinateur répond très naturellement « C'est le Canard enchaîné. » Oui, c'est naturel, mais ouais. Et on lui ouvre. Oui, oui, l'homme entrebâille la porte et Escaro peut apercevoir au fond du couloir plusieurs hommes en combinaison bleue qui s'affairent dans le futur bureau du directeur du Canard, Roger Frézos. Le génial auteur de la chronique de la cour. Sous le pseudonyme d'André Ribaud, oui. Formidable. Escaro questionne donc le type. Que font ces hommes et pourquoi travaillent-ils si tard? Et en même temps, il pousse la porte et pénètre dans les locaux. Mmh. Et que répond l'homme alors? Il prétend que son équipe est en train de finir d'installer le chauffage central. Réponse malheureuse, car Escaro, qui est administrateur du journal, je vous le rappelle, est bien placé pour savoir qu'il y a déjà plusieurs semaines que ces travaux ont été terminés. Mmh. Alors il s'avance dans le couloir jusqu'au bureau, et là il constate que des lames du parquet ont été arrachées et que le matériel qui jonche le sol n'a rien à voir avec la plomberie. Ouais, c'est pas clair. Mais alors, comment réagissent ces hommes quand Escaro survient? Ils sont pas très à l'aise. Mmh. Ils ne sont même pas capables de dire pour quelle entreprise ils travaillent. Puis ils se ressaisissent et c'est à leur tour de questionner le dessinateur. Celui-ci comprend aussitôt que la situation devient très chaude. Est-ce qu'il... Donc à ce moment-là, il pense ses jambes à son cou. Et on n'essaie pas de le retenir? Non, les plombiers, appelons-les comme ça, ont tardé à réagir. À moins qu'ils n'aient réalisé qu'ils se trouvaient déjà dans un sacré pétrin et que ce n'était pas la peine d'en rajouter. Oui, d'accord, alors, Escarron fuit. Oui, il descend les trois étages à toutes jambes, et quand il sort de l'immeuble, il entend un des deux gardiens de la paix annoncer dans son talkie-walkie « Sauf qu'il peut, on décroche !» C'est presque trop beau, non ? Oui, en effet, oui. Autre chose, est-ce que le dessinateur a tout de suite compris à quelle activité se livraient ces hommes ? Bon, sans nul doute. Pour lui, il était clair que ces vrais faux plombiers étaient en train de poser des micros. Mmh. Dans l'affaire du Watergate, hein, vous avez dit que les plombiers, enfin tous des anciens de la CIA, étaient vraisemblablement tombés dans un piège. Mmh. Est-ce que ça aurait pu être le cas dans cette affaire du canard enchaîné ? Non, Escarro est vraiment passé par hasard rue Saint-Honoré. Il n'a pas bénéficié d'un tuyau lui indiquant la présence des plombiers dans les futurs locaux du canard. Mmh. Admettons alors. J'imagine que dès qu'il est dehors, Escarro donne l'alerte. Oui, il téléphone tout de suite à ses amis du journal. Et peu de temps après, Roger Frézos et Claude Angéli, le rédacteur en chef, rejoignent Escarro devant l'immeuble. Et les deux gardiens de l'appel, j'imagine qu'ils ont disparu. Bah, naturellement. Mmh. Escarro a-t-il prévenu la police ? Bien sûr que non, car il a déjà la conviction que la police est certainement mêlée à l'affaire. À cause de la présence des deux gardiens de la paix. Bah, forcément. Oui. Mmh. Ça aurait pu être de faux gardiens. Ouais, hein. Vous avez raison, mais enfin, quoi qu'il en soit, avant d'agir ou de porter plainte, les hommes du canard enchaîné voulaient d'abord constater par eux-mêmes. Mmh. Et quand ils sont entrés là, au troisième étage, là, je pense que les plombiers, eux aussi, avaient quitté les lieux. Bien entendu, ils avaient remballé leur matériel. Ils avaient même tenté d'effacer les traces de leur passage. C'est-à-dire ? Bah, ils avaient hâtivement remis en place les lames du parquet et bouché au mastic un trou creusé dans le mur mitoyen de l'immeuble voisin. Mais ils n'avaient pas eu assez de temps. Les journalistes du canard ont même retrouvé au deuxième étage un escabeau oublié par les plombiers. Mmh. Ils avaient donc la preuve qu'on avait essayé de sonoriser, c'est ça, c'est, ouais, comme vous dites, là, dans les services, leurs futurs locaux, c'est oui, ça. Oui, ça ne pouvait pas faire de doute. Mmh. Pardonnez-moi, mais n'était-ce pas une aubaine pour le canard enchaîné, cette histoire ? Certainement. Et le journal ne s'est pas privé d'exploiter l'affaire au maximum. Ah oui, je me souviens, ça. Oui. Enfin, c'était une bonne guerre. Le canard enchaîné a alors atteint des records de vente lorsqu'il a relaté sur plusieurs numéros cette affaire des plombiers. Ça a d'ailleurs permis à certaines personnalités politiques d'affirmer, sans rire, que les journalistes du canard avaient monté cette histoire de toutes pièces pour vendre du papier. De qui voulez-vous parler, là ? De Pierre Messmer, par exemple. Ah oui, mais Messmer qui était alors Premier ministre. Hein. Oui, c'est juste. Quant au président de la République, Georges Pompidou, il a parlé de farce. Ouais, drôle de farce, hein. Je suis d'accord avec vous. Mais les autorités étaient suffisamment embarrassées pour chercher par tous les moyens d'essayer de noyer le poisson. Toutefois, c'était sans compter sur les journalistes du canard enchaîné. Et aussi sur les autres journaux qui ont lancé leurs meilleurs enquêteurs sur cette affaire extraordinaire. Mmh. Justement, alors, l'enquête. Laquelle ? Celle des journalistes ou celle de la justice, puisque plainte a été déposée. Finalement, quand même, plainte. Mmh. Non, alors, l'enquête des journalistes, d'abord. Et vous avez raison, parce que très vite, elle va déboucher sur des informations très concrètes. Dès le départ, enfin je vous l'ai dit, les gens du canard enchaîné pensent que le coup a été perpétré par des spécialistes. Vous voulez dire des spécialistes appartenant à un service ? Bien entendu, un coup d'ailleurs bien préparé. Ça faisait 8 jours que les plombiers travaillaient tous les soirs. Question, il y avait un ou une concierge dans cet immeuble ? Une concierge. Mmh. Elle n'a donc pas pu ne pas remarquer le manège de ces hommes. Elle était parfaitement au courant. L'un des plombiers s'était présenté comme étant un poseur de rideaux. Et pour ne pas gêner les autres corps de métier, il a affirmé que son équipe devait travailler le soir. Et jour après jour, la concierge lui a remis les clés. Quand ces soi-disant poseurs de rideaux repartaient, il dissimulait les clés dans un compteur électrique. Mmh. Ça veut dire que la concierge n'avait aucune raison de se méfier. Absolument. Mmh. Elle a seulement été intriguée le jour où un artisan chargé de poser des stores s'est présenté. Et le soir, quand l'homme des rideaux est venu à son tour, elle l'a interrogé. Mais l'autre s'en est sorti en disant que la mode consistait dorénavant à poser des voilages par-dessus les stores. Et un bilme un peu bizarre. Hein. En tout cas, la concierge avait le bobard. Mais quand je vous disais que le coup avait été bien préparé, c'est qu'il avait fallu aussi trouver un appartement dans l'immeuble voisin. Ah oui, pour y faire aboutir les fils des micros. Et y installer vraisemblablement un émetteur. Ça prouvait à l'évidence que ces plombiers n'étaient pas des amateurs et qu'ils appartenaient à un service disposant de moyens matériels importants. Monsieur X l'a dit, Georges Pompidou, en apprenant cette affaire des micros du canard, a parlé de farce. Les autres réactions des membres du gouvernement ou des proches du pouvoir ne sont pas moins inintéressantes. Laurent Martin, auteur d'un excellent livre sur le canard enchaîné, en dresse la liste. Olivier Stirne émit l'hypothèse d'une opération montée par des barbouzes communistes. Pierre Messmer déclara sur RTL qu'il s'agissait sans doute d'un canular monté par les journalistes du canard eux-mêmes, ce que répéta Alexandre Sanguinetti, secrétaire général de l'UDR, à la télévision. La Nation reprit cette thèse officielle et affirma que le canard avait monté l'affaire de toutes pièces pour augmenter ses ventes. Par la suite, le directeur de la DST suggéra l'intervention d'espions opérant pour le compte de l'Est, information reprise par l'hebdomadaire Valeurs Actuelles, tandis que Pierre Messmer laissait entendre que la CIA n'était pas étrangère à l'affaire, suscitant les protestations de l'ambassade des États-Unis à Paris. On accusa aussi le canard de fomenter un complot maçonnique contre la direction de la surveillance du territoire. Le livre de Laurent Martin est intitulé « Le canard enchaîné ou les fortunes de la vertu » et il a été publié en 2001 par Flammarion. Alors, ces services-là susceptibles d'installer un tel système d'écoute sophistiqué là. Bah, ils ne sont pas si nombreux que ça. Chez les militaires, il y a à l'époque le SDEC, notre service de renseignement, et la DPSD, c'est-à-dire la Direction de la Protection et la Sécurité de la Défense. Mais on verra de façon très curieuse que les militaires de ce dernier service tenaient aussi le canard à l'œil. Ah oui, aussi, alors. Et du côté civil ? Deux services dépendants du ministère de l'Intérieur, la DST, Direction de la Surveillance du Territoire, et les RG, les Renseignements Généraux. Et spontanément, les journalistes du Canard Enchaîné pensent que c'est ce dernier service qui est dans le coup. Mais pourquoi ? Parce que c'est une police politique chargée de renseigner le pouvoir. Oui, ça on sait, oui. Or, les gens du Canard, qui sont généralement bien informés, savent que les RG ont, à la demande du ministre de l'Intérieur, Raymond Marcellin, mené une enquête de plusieurs mois sur leur journal. À quelle fin, hein ? Le gouvernement, mais quel gouvernement ne le serait pas, est obsédé par les fuites. Or, elles sont nombreuses et nourrissent les pages du Canard Enchaîné. Encore actuellement, hein. Oui, oui, j'ai même cru comprendre que M. Raffarin avait demandé la plus grande discrétion à ses ministres. Enfin, passons, et revenons à Marcellin. Le ministre veut donc savoir qui sont les informateurs du Canard. Et les policiers des RG procèdent donc à cette longue enquête. Il en résulte un gros document. Les biographies des collaborateurs du journal sont extrêmement détaillées. Ouais, des fiches de police, en somme. Oui, mais à part quelques journalistes qui pigent régulièrement pour le Canard Enchaîné, il n'y figure aucun ministre, enfin aucun haut fonctionnaire susceptible d'informer le journal. Mmh. Alors, les policiers des RG ont-ils mal travaillé ? Je ne pense pas, non. Ils ont fait ce qu'on leur a demandé de faire. Mais les journalistes du Canard ont la réputation de protéger leurs sources et d'être très prudents. Au téléphone, par exemple. Parce que les lignes du journal étaient écoutées ? Bien évidemment. Ah, bon. Alors, échec, hein, c'est ça ? Mmh. D'où l'idée de sonoriser le journal. Et son déménagement fournissait une occasion formidable, parce qu'on allait profiter des travaux pour cacher des micros dans les nouveaux locaux. Un mot peut-être sur Marcellin, le ministre de l'Intérieur, qui a ordonné la pose de ces micros. Bah, je dois d'abord à l'honnêteté de dire que Raymond Marcellin a toujours nié avoir donné cet ordre. Oui, enfin, il a nié, mais enfin, vous n'en croyez pas un mot. Bah, les policiers, en général, ne prennent pas tout seuls ce genre d'initiative parfaitement illégale. Sans compter qu'ils ont été nombreux à être impliqués dans l'affaire. Donc, il s'agissait forcément sur ordre. Alors, Marcellin, me demandez-vous, depuis mai 68, ce ministre était obsédé par le gauchisme, c'est-à-dire l'ennemi intérieur, forcément lié, selon lui, au communisme international. Oui, mais quel rapport avec le Canard Enchaîné ? À l'époque, je ne sais pas si vous vous en souvenez, le journal satirique révélait affaire après affaire. Ouais, le temps des affaires, c'est ça. Ouais. Mais enfin, il n'a pas perdu l'habitude. C'est vrai. Enfin, au début des années 70, c'était nouveau. Jusque-là, le Canard Enchaîné se contentait de publier des informations confidentielles sur la vie politique. Mm-hmm. Mais avec l'arrivée d'une nouvelle et jeune équipe de journalistes, ça va changer. Des hommes politiques éminents de la majorité sont attaqués. Des photocopies de documents fiscaux sont publiées. Bref, le Canard Enchaîné, si je puis dire, a franchi un pas. Ouais, ça irrite le pouvoir. C'est évident. Désormais, le Canard est dans le collimateur. Et pour le ministre de l'Intérieur, il est évident que la révélation du scandale de la garantie foncière ou la publication de la feuille d'impôt de Chaban-Delmas, pour ne citer que quelques exemples, font partie d'une campagne destinée à affaiblir le gouvernement. Une campagne orchestrée par les gauchistes qui ont pris le pouvoir au Canard. Oui. Et d'après vous, alors, qu'en est-il en réalité ? Bon, il est certain que certains de ces nouveaux journalistes du Canard Enchaîné ne viennent pas de l'extrême droite, hein, bien au contraire. Oui. Mais si vous voulez mon avis, il n'existait aucune manœuvre, aucune campagne. Ces gens faisaient tout simplement leur métier, un point c'est tout. Et avec des méthodes d'investigation que n'avaient pas pu ou voulu utiliser leurs aînés, ce qui leur valait d'être étroitement surveillés. Mmh. Claude Angéli, par exemple, s'est aperçu à plusieurs reprises qu'il était suivi. Mmh. Toujours pour essayer, au fond, d'identifier ces mystérieux informateurs. C'est certain. Mmh. Et avant de décider de poser des micros rue Saint-Honoré, Marcellin, toujours lui, avait tenté de piéger le Canard Enchaîné afin de découvrir d'où venaient les fuites. Il a fait diffuser dans un cercle très restreint une fausse information. Et quoi ? Le ministre aurait fait une discrète visite au PC souterrain de l'état-major. Et là, il aurait fait un topo sur cet ennemi intérieur qu'il pourchassait avec acharnement. Ah oui, parce qu'il espérait que le Canard reprendrait cette information. Enfin, bidon. C'était le but recherché. Ouais. Malheureusement, le journal a eu vent de la manœuvre et il a publié toute l'histoire. Ce qui veut dire en tout cas que le canard disposait d'un formateur qui était très très proche du ministre. Ça c'est certain. Donc Raymond Marcellin, mais il ne devait pas être seul au gouvernement, enrageait de ne pas pouvoir découvrir les informateurs du journal. C'était d'autant plus obsessionnel chez lui qu'il était persuadé qu'il était lui-même écouté. Bah, des micros ? Non, son téléphone. C'est un comble quand même. Oui, car le ministère de l'Intérieur était le plus gros client du GIC, le groupement interministériel de contrôle, installé rue de Tourville et qui pratiquait quotidiennement des écoutes. Ouais, de grandes oreilles. C'est ça. Certaines de ces écoutes étaient justifiées et effectuaient la demande de magistrats, mais beaucoup d'autres, les écoutes politiques en particulier, étaient illégales. D'ailleurs, il est intéressant de noter que c'est la Gestapo qui était à l'origine de ce système. Enfin, là, nous nous éloignons. Attendez, ça mérite quand même une explication. Bon. Dans Paris occupé, les nazis avaient installé dans les égouts un vaste réseau d'écoutes qui aboutissait justement rue de Tourville, dans les écuries de l'hôtel des Invalides. Ah, oui. Et après la libération, les autorités françaises ont repris à leur compte ces systèmes d'écoutes, essentiellement pour effectuer des écoutes politiques. À l'époque, c'était très intéressant de connaître les secrets de ses adversaires. La vie privée. Ça permettait de faire pression sur des gens qui avaient leurs petites faiblesses. Aujourd'hui, ce serait quand même plus difficile. Ah oui, ouais, je pense. Car plus grand-chose ne choque. Sous la Ve République, le système a été modernisé. Mais il demeure en place et en principe, il est réglementé. Contrôlé, vous voulez dire ? Oui, si vous voulez. Enfin, toutefois, un dérapage est toujours possible. Ah oui, il y a eu les écoutes de l'Élysée. Par exemple. Mais enfin, revenons à ce que je vous disais. Au début des années 70, Raymond Marcellin est donc persuadé que son téléphone est écouté. Au ministère. Oui. J'imagine qu'il doit avoir les moyens, lui, de découvrir si c'est vrai ou pas. Ah, c'est pas évident. Contrairement à ce qu'on prétend, une dérivation de ligne n'est pas détectable. Et dans le cas de Marcellin, ce n'est pas le GIC qui est en cause. Si le ministre est écouté, c'est au sein même du ministère qu'un petit malin a bricolé un système d'écoute. Et Marcellin demande donc au RG d'enquêter, avec le maximum de discrétion, bien entendu. Et le résultat, Eh bien, après de longues investigations, les techniciens du RG ont découvert une anomalie. Une bretelle posée sur une ligne. Et qui devait l'être depuis assez longtemps. Sur la ligne du ministre ? Non, sur le téléphone d'un fonctionnaire. Marcellin informé n'a pas jugé utile de donner l'ordre de poursuivre les recherches. Pourquoi la peur du ridicule ? Okay, l'écouteur écouté, moi je trouve ça assez cocasse. Oui. Alors, revenons à ce que vous me disiez là précédemment. Après, la découverte de l'existence des plombiers, les gens du canard enchaîné, pensent que ce sont les RG qui sont coupables, hein, c'est ça ? Oui, et dans le numéro qui suit, les journalistes du canard le laissent entendre clairement. Ils en sont tellement persuadés que l'un d'eux, Claude Angély, se rend lui-même au domicile d'un des patrons des RG afin de savoir la vérité. Alors, parce qu'il espère que ce dernier la lui dira. En tout cas, Angély essaye de lui tirer les vers du nez. En vain, bien sûr. Mais dans la même semaine, le journaliste progresse de façon spectaculaire. Et dans le numéro qui suit, 10 jours à peine après les faits, le canard enchaîné publie une liste de noms. Les noms des plombiers ? Dans un premier temps, il donne le nom de 5 d'entre eux. Mais surtout, le journal affirme que ces hommes appartiennent tous à la DST. Naturellement, le ministère de l'Intérieur a aussitôt démenti. Mais les informations du canard enchaîné étaient tellement précises qu'elles ne pouvaient qu'embarrasser le gouvernement, et particulièrement Raymond Marcellin. Une parenthèse. Dans ce numéro du canard enchaîné qui accuse clairement la DST, le journal publie une autre information assez croustillante. Voici comment Krop et Faligot en rendent compte dans leur livre « DST Police Secrète » paru chez Flammarion en 1999. Le canard enchaîné, daté du 12 décembre 1973, révèle aussi, sous la plume de Claude Angély, que François Mitterrand, habitant au 22 de la rue de Bièvre, a également été sonorisé en 1972 pendant des travaux effectués dans l'immeuble. Peu après, un entrepreneur se déplace avec ses techniciens. Il décèle au 3e étage, près du bureau de Mitterrand, un étrange bruit. Dans son rapport, il dira « fréquence 45 MHz, source localisée dans le faîte du toit du côté de la rue ». En termes plus simples, un émetteur est dissimulé et retransmet les conversations du chef de la gauche à distance. Quelques semaines après l'affaire du canard, le 28 décembre 1973, une équipe de plombiers se déplace à nouveau chez Mitterrand. Il faut faire très vite et éliminer les traces. Sur le toit, les tuiles sont à nouveau déplacées et pour camoufler le nouveau forfait, les montants l'air de la DST volent un manteau de fourrure pour se faire passer pour des cambrioleurs. Les spécialistes rappelés quelques jours plus tard par Mitterrand s'aperçoivent que le bruit du 3e étage ne répond plus. Avec un certain brio, nos as de la police politique ont réussi à enlever l'émetteur qu'ils avaient installé. La DST est donc mise en cause. Hein. Mmh. Et les plombiers sont nommément désignés. Et l'un de vos confrères, un journaliste du magazine Le Point, réussira même un joli coup en photographiant l'un des plombiers, puis en le faisant identifier par la concierge de l'immeuble de la rue Saint-Honoré. Ça, c'est une preuve, alors. Ah oui, incontestablement. Hein. Mais une question avant de poursuivre. Pourquoi est-ce la DST, service de contre-espionnage, il faut le rappeler, qui a été utilisée dans cette affaire de pose de micro? Bon, c'est vrai qu'en toute logique, le ministère de l'Intérieur aurait dû confier cette mission délicate et illégale aux renseignements généraux. Mais le ministre n'a peut-être pas une confiance totale dans ce service. Quoi, la peur des fuites? C'est tout à fait possible. Alors il a préféré s'adresser à un service qui avait l'habitude de travailler dans la plus grande discrétion et qui possédait une section technique hautement qualifiée. Et il n'empêche quand même que ces plombiers se sont fait prendre. Hein. Ah oui, mais c'est le hasard, vous avez dit. Hein. Ouais. Alors... revenons un petit peu en arrière, là, le canard enchaîné a porté plainte. Pour violation de domicile et atteinte à la vie privée. Et c'est une première dans son histoire. Ah oui, non, parce qu'il n'avait jamais porté plainte. Non. Il y a donc une enquête. Et la nomination d'un juge d'instruction. Ce magistrat est un fonceur. Accompagné d'une équipe d'enquêteurs, il se rend en rue Saint-Honoré. Et là, il découvre un micro dans une cheminée et plusieurs câbles de sonorisation. Puis, en interrogeant des gendarmes qui étaient en faction tout près devant l'office du tourisme grec, il apprend que des voitures de la DST ont effectivement stationné dans la rue à plusieurs reprises. Mmh. Les gendarmes ont relevé les numéros d'immatriculation. Oui, ouais. Oui, oui. En outre, ce magistrat, grâce aux informations publiées par le canard, en principe dispose des noms des plombiers. Et par conséquent, il les convoque à son cabinet. Mmh. Ils viennent? Oui, oui, mais comme il fallait s'y attendre, ils sont peu bavards. Et surtout, ils refusent d'être confrontés avec les témoins qui les ont vus. Escarreau ou la concierge, par exemple. Mais sous quel motif ils prétendent que leur fonction leur commande de demeurer dans le plus parfait anonymat. Et ils évoquent les risques qu'ils pourraient encourir s'ils venaient apparaître publiquement. Et puis enfin, ils demandent à être protégés par le secret de la défense nationale. Secret défense, c'est un peu facile, non? Peut-être, mais enfin, ça permet généralement au pouvoir d'interdire au juge d'aller trop loin. Toutefois, le juge d'instruction n'est pas du genre à s'incliner aussi vite. Et finalement, il obtiendra que les plombiers soient confrontés avec les témoins. Et là, ils seront reconnus? Oui. Donc, ils peuvent faire l'objet d'une inculpation. En principe, oui. Mais ces hommes qui ont agi sur ordre se rebiffent. Et ils menacent leurs supérieurs de tout révéler aux magistrats s'ils sont poursuivis. Tout révéler, c'est-à-dire révéler qu'ils remplissaient une mission qui leur avait été commandée par leur hiérarchie. Bien sûr, oui. C'est une sorte de chantage. Ça, c'est sûr. Enfin, ont-ils le choix? Et ils vont avoir gain de cause. Ils ne seront plus inquiétés par ce magistrat trop curieux. Et pour une bonne raison. Le juge va faire l'objet d'une flatteuse promotion et sera donc déchargé de l'instruction des micros du canard. Je veux bien, mais enfin... Mais bon, il est déchargé, mais un autre juge d'instruction va reprendre le dossier. Bah, obligatoirement. Mais ce second magistrat ne manifestera guère d'empressement à confondre les coupables. Les vrais coupables, je veux dire. Ouais, c'est-à-dire le ou les donneurs d'ordre. Oui, ouais, enfin, disons-le franchement, il fait l'objet de tant de pression qu'en 1976, ce juge d'instruction va publier une ordonnance de non-lieu qui est une sorte de chef-d'œuvre judiciaire. Ah, expliquez-moi. Ben d'abord, il explique qu'il n'a pu identifier aucun des plombiers. Mais c'est absurde, puisque son prédécesseur, lui, les a identifiés. Ouais, enfin, je suis parfaitement d'accord avec vous, mais la suite est encore plus ahurissante. Dans son ordonnance, le juge estime qu'il n'y a pas eu de violation de domicile, puisque les bureaux étaient inoccupés. Curieuse interprétation, hein, quand même. En effet. Ensuite, il considère qu'il n'y a pas eu atteinte à la vie privée, puisque dans une rédaction, les conversations ne portent que sur des sujets professionnels. Oui, donc on peut écouter impunément tous les journaux. Et aussi journée, tous les locaux professionnels. Le canard, tel que je le connais, ne peut pas en rester là. Bah, c'est évident. Il fait immédiatement appel de cette ordonnance de non-lieu, mais la cour d'appel confirme. L'affaire vient donc devant la cour de cassation. Une cour qui se prononce sur la forme. Justement. La cour découvre un vice de forme, annule toute la procédure et renvoie l'affaire devant la cour d'appel d'Amiens. Finalement, cette dernière instance jugera que les faits sont prescrits. Ce que confirmera en février 1980 la cour de cassation. Ah ouais, 6 ans après les faits. Par conséquent, bon, pour la justice, il n'y a jamais eu d'affaire des micros du canard enchaîné. Exactement. Mmh. La manœuvre d'étouffement, reconnaissons-le, a été menée avec un rare brio. Mmh. Et Raymond Marcellin, lui-même, n'a jamais été inquiété. Bah, reconnaissons quand même qu'il sera débarqué du ministère de l'Intérieur assez rapidement. Et c'est Jacques Chirac qui lui succédera. Ah, Chirac qui sera tenté de se débarrasser de la DST en l'incorporant au ZEC. Pourquoi? Parce qu'il avait lui-même eu à se plaindre de la DST. Enfin, je ne vais quand même pas rentrer dans les détails. Ah, si, vous en avez trop dit, là. Bon, bah, alors écoutez, très brièvement. Quand il était jeune secrétaire d'État, au cours d'un voyage à Moscou, il était rentré en relation avec une danseuse du Bolchoï, soupçonnée par la DST d'être une espionne du KGB. Ça lui avait valu d'être lui aussi mis sur écoute, mais enfin ça c'est une vieille histoire. Ouais. Mmh. Finalement, il n'a pas dissous la DST. Hein. Non, enfin, cette affaire des micros a coûté très cher à notre service de contre-espionnage. En réputation, vous voulez dire. Oui, et quand François Mitterrand est arrivé au pouvoir en 1981, Mitterrand qui avait lui aussi de bonnes raisons de ne pas aimer la DST, le service a longtemps été considéré avec la plus extrême méfiance. Mais je voudrais revenir sur l'affaire elle-même. Je ne veux pas défendre Raymond Marcellin, mais le ministère de l'Intérieur n'était pas le seul à s'intéresser de très près au canard enchaîné et à ses informateurs. Oui, et tout à l'heure, il me semble que vous avez parlé des militaires. Oui, en 1973, il y avait une importante manœuvre. Or, le canard a publié des documents ultra secrets sur ces manœuvres. Des documents qui ne pouvaient provenir apparemment que d'un membre de l'état-major. Ah, très préoccupant ça, hein. N'est-ce pas? Par conséquent, la sécurité militaire et la DPSD enquêtaient de leur côté. Il n'est pas absurde de penser que le ministre de la Défense ait demandé un coup de main à son collègue de l'Intérieur. Une sorte d'opération interne. Bah, pourquoi pas, oui. Enfin, voyez-vous, moi, ce qui continue à m'interroger, c'est la rapidité avec laquelle les journalistes du Canard Enchaîné, et surtout Claude Angéli, ont démasqué les policiers de la DST et sont entrés en possession de leur identité. Bah, vous avez vous-même répondu, me semble-t-il, les journalistes du Canard Enchaîné avaient des informateurs dans la hiérarchie policière. Oui, mais enfin, c'est quand même peu... pas aussi simple qu'il y paraît. Et Marcellin donne lui-même une piste. Dans un livre de souvenirs, il évoque succinctement l'affaire du canard. Et à ce propos, il laisse entendre que sous la Ve République, les guerres de succession étaient particulièrement féroces. Ah oui. Donc ça signifie qu'il aurait pu être la victime d'un de ses rivaux ? Très possible. Une faction de la majorité qui aurait utilisé l'affaire contre lui en révélant l'implication de la DST au canard enchaîné. Après tout, et nous en avons déjà parlé, certaines affaires embarrassantes, comme le scandale de la garantie foncière, avaient déjà fait l'objet de la même exploitation. Pour nuire à Chabandelmas, en l'occurrence. Exactement. Hein. Et dans les cercles du pouvoir, on savait que le président Pompidou, gravement malade, ne terminerait pas son mandat. Par conséquent, il fallait préparer la prochaine élection présidentielle et éliminer les concurrents. Alors, qui a informé réellement le canard enchaîné? D'après certaines sources, l'informateur du journal satirique aurait été un policier de la DST, écœuré par les méthodes employées par ses collègues. D'autre part, un ancien directeur de la DST, Marcel Chalet, a implicitement avoué l'implication de son service. Dans un livre d'entretien, il déclare, je le cite, « Me plaçant sur un plan théorique, la DST a et aura toujours une raison objective d'agir si une personne, un groupement ou un organe de presse livre au public en parfaite connaissance de cause des documents classifiés secret défense. C'était le cas du canard enchaîné. Il est évident que si jamais la DST avait mis des micros dans les locaux du journal, cela n'aurait pas été pour savoir si l'humour de ses colonnes avait ses sources dans des éditions anciennes de l'Almanach Vermeaux. Enfin, une rectification. Un auditeur, M. Blancard, me signale qu'un des personnages mystérieusement morts en Guinée équatoriale n'était pas un employé de la banque PIAO, mais de la Meridian Bank domiciliée aux Bahamas.